93. 8h10, hey, j'ai une super bonne nouvelle parce qu'il y en a une très mauvaise dans le Journal de Québec ce matin, mais il y en a tellement une autre bonne dans le Soleil aussi, je pense. Bon, qu'on pense, c'est ça. Alors, voici d'abord autre fermeture d'une clinique médicale à Québec. C'est la clinique 4 Bourgeois qui ferme, laissant donc en pan 1400 patients sans médecin de famille. C'est une autre petite crise à Québec. On nous en a parlé en masse de ça. Il y en a un autre qui va fermer dans un an. Il y a celle Saint-Vallier dans Saint-Sauveur qui est menacée. Ça va pas bien. Rappelez-vous, l'FM 93 avait fait une enquête il y a quelque temps. Mathieu Boulay avait appelé dans différentes cliniques cherchant un médecin de famille. Et là, ce qu'on va faire entendre, c'est même pas Cap-Bourgeois ou Saint-Vallier, là. C'est une autre où on s'est fait répondre ceci. Bonjour. Oui, bonjour. Je me cherche un médecin de famille. Oui. Et je voulais savoir si vous en aviez. On a des médecins de famille, mais malheureusement, Dr. Bérard prend sa retraite au mois de décembre 2014 et il va avoir environ 3000 patients qui vont se ramasser. Il n'y a pas de médecin. Combien? À peu près 2500, 3000. Aïe aïe! Ils vont perdre leur médecin de famille. OK. C'est décourageant, tout ça. On fait là, quoi? Là, vous devez vous inscrire au Carrefour Beauport, à la clinique Réseau, puis vous mettre en attente là pour voir un médecin là, là-bas. Là. Puis c'est combien de temps d'attente, vous croyez? Ben, c'est eux autres qui gèrent ça, là. Puis vous, c'est le numéro de téléphone, je peux vous le donner? OK, parfait, c'est noté. Pour le reste, même si j'ai des... C'est qui votre des... conjointe? Est-ce qu'elle a un médecin de famille? Non plus. Vos parents? Mes parents, oui. On y va avec ça. Maintenant, là, on vérifie que les parents, les frères et sœurs, puis on fait des téléphones. Ça, là, je me souviens plus du nom de cette clinique-là, mais vous avez entendu le nom du docteur, là. Dans le Journal de Québec, titre, à matin, 1400 patients laissés sans médecin de famille, entre 2500 et 3000. Qui s'en vient, ça c'est pas encore annoncé, c'est au mois de décembre, on l'avait su à ce moment-là. Je vous disais qu'il y a une bonne nouvelle, vous êtes une femme, je sais pas, moi, 50, 60, 70 ans, commencez à vous inquiéter un peu pour votre santé. Pas de médecin de famille. On a la solution ce matin. C'est dans le journal. C'est confirmé. Non seulement vous allez avoir des soins, la clinique, elle est mobile et elle va même se rendre à la limite chez vous. Vous avez pas lu ça? Nouvelle clinique. Vous avez pas remarqué ça? Non. C'est plus loin un peu. Alors, deux conditions cependant. Alors, je vous dis comment faire. Là. Il doit y avoir du monde qui écoute en masse. Même des femmes plus jeunes ou des hommes. C'est plus rare, mais oui, ça peut aussi se faire. Homme ou femme, vous cherchez un médecin, des soins, infirmières, tout ça. Une nouvelle clinique disponible. Ils ont du budget, ils ont du financement. Bravo. Alors, vous devez cependant vous prostituer ou vous droguer. Ça va? C'est beau? Parce que c'est pour les droguer et les prostituer. Alors, petite jupe. Mets des petits collants sexy, on s'en va sur le trottoir, un gros rouge à lèvres, let's go madame, le docteur va venir vous voir. Talon haut, let's go, petit kit sexy, ça va? Ou encore une seringue. En way go, on se pique, parfait, il y a du budget, nouvelle clinique qui vient de mettre, au moment même où on annonce qu'il n'y a pas de médecin de famille, pour les gens qui ne font que se lever le matin, travailler, payer des taxes et des impôts, manger de la marde, vous n'en avez plus? Mais les drogués et les prostituées ont une nouvelle clinique mobile, itinérante pour aller voir et pour vous soigner. Donc, vous savez quoi faire? Alors, c'est assez simple. Hein? Ah ouais, sur le trottoir. Ou piquez-vous, sniffez, fumez, droguez-vous. Maudite belle justice. C'est parfait, on aime ça de même, c'est excellent. Ils ont pas d'argent pour les médecins de famille, il y en a plus, ils travaillent pas assez, il y en a pas, ils pas capables de donner le service. Hey, mais on vient d'avoir une idée! Les drogués et les prostituées! Oh, we go! Ça, c'est du monde qui en ont besoin. Des infirmières, des aides. Ça a l'air que tout est beau. Le budget est là. Excellent. C'est dégueulasse. Pas de mauvaise idée, là. Si mettons, on avait trop de médecins, puis les gens, là, on a en masse. Il y a des médecins sur le chômage, puis l'argent nous sort par les oreilles. Une clinique itinérante pour droguer et prostituer, regarde, moi. Applaudis à deux mains. Pas un comme même celui-là à Nantes un matin, j'ai en passant bravo, belle initiative. Ces gens-là ont des, tu sais, faut les aider, même si on courait après là. Tu sais, les maladies qu'ils ont, ben souvent là, ils leur ont pas tombé sa tête là. C'est parce qu'ils se sont piqués, puis c'est de par leur mode de vie qu'ils ont eu ces problèmes de santé là. Mais c'est pas grave, faut être humain, faut aider ces gens-là. Mais quand le Journal de Québec t'apprend qu'il y a 1400 patients qui viennent de perdre leur médecin de famille à Québec, la même journée, ils disent on a une clinique mobile pour les droguer et les prostituer. Fait que vous savez quoi faire. 8h14. Mario? Accident Capitale Est à la hauteur de Robert Bourassa, c'est déjà...